Allez, goodbye Marie-Lou. N'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook de l'émission pour jouer au tiercé des chansons. Et puis, place à la sélection du jour. Une chanson française de 1969. En fait, c'est une adaptation d'un tube anglais de 1968, Lily the Pink. Tiens, je vais vous le traduire, je vais faire un effort pour vous. Lily la rose. Le sirop typhon, Richard Anthony. Buvons, le sirop typhon, universel, panacé, à la cuillère, ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Monsieur Carouge avait le nez rouge, et cela le désolait. Une cuillère lui fut salutaire, il a maintenant le nez violet. Madame le prince se trouvait trop mince, elle ressemblait à un bâton. Oh, oh. Elle fit une cure sans demi-mesure, elle est plus ronde qu'un ballon. Le sirop typhon, universel, panacé, à la cuillère, ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Monsieur le maire avait des misères, dans ses discours il bégayait, un petit verre lui fut salutaire, il ne bégayait plus car il l'aimait. Monsieur Léon, pom-pom-pom-pom, si gentil et si rond, pata-pom-pata-pom, ne gagnait jamais au tiercé. Une cure sévère lui fut salutaire, il est gagnant, mais comme joker. Buvons, le sirop typhon, universel, panacé, à la cuillère. Célibataire et voulait le rester longtemps. Oh, oh. Il but un verre, puis un autre verre. Il a 10 femmes et 30 enfants. Dans le village, tous les enfants sages, écoutant les cloches sonner. Rêve qu'un mage venu des nuages du bon sirop va leur universel, panacé, à la cuillère, ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Les compositions de ce chanteur bordelais, qui suit, nous emportent dans un univers aux contours légers, cachant à chaque fois mille et une petites idées qui accrochent. Alors il construit des petites gourmandises à la pop chaleureuse, dessinant sans en faire des tonnes une musique fine et nuancée. Il s'agit de Marc Dessola, je suis pas connu. Je veux pas finir vedette, me noyer dans le panier, où s'arrachent les miettes d'un gâteau déjà périmé. Je suis pas sur l'affiche et je me porte bien, ni adulé ni riche, chanteur de salle de bain. Broyé par la machine des chanteurs oubliés, tant que je reste anonyme, ça peut pas m'arriver. C'est vrai que c'est pratique, seul mon ombre me suit, je suis l'idole et le public, je chante et je m'applaudis. Je suis pas connu, mais ça peut arriver, tous les jours dans la rue, je sors pour vérifier. Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. ça peut arriver. Tous les jours dans la rue, je sors pour vérifier. Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je me fais pas de critiques et je me fais pas d'éloges. Je réponds pas sur la politique lorsque je m'interroge. Je fuis les places to be et je reste aux aguets. Personne n'est à l'abri d'une caméra cachée. Je contrôle pas mon image et je travaille pas ma voix. Et le gros avantage, c'est que je n'en ai pas. Si ça me tombe dessus, je l'aurais pas cherché. Je suis pas un vendu, alors veulent pas m'acheter. Je suis pas connu, mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue, je sors pour vérifier. Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je suis pas connu, mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue, je sors pour vérifier. Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Les gens que j'ai jamais vus souvent me le rendent bien, alors je leur saute dessus pour leur faire des câlins. Les filles ne sont pas nues et ne se jettent pas sur moi pour m'arracher ma vertu, je les remercie pour ça. Je garde ma liberté de circulation et mon intégrité sous le bras, l'ambition. J'entre pas dans la sphère des mecs de la télé. Mon projet de carrière, c'est la réalité. Je suis pas connu, mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue, je sors pour vérifier. Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je suis pas connu, mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue, je sors pour vérifier. Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Matin, je vérifie que je suis pas dans les journaux. Dès que je sors du lit, je passe pas à la radio. Je prends un air lambda devant les maisons de disques pour pas signer de contrat. Je veux pas prendre de risques. Tous les jours, je démarche un tas de producteurs pour être sûr qu'ils sachent que je suis pas preneur. J'ai même appelé Nagui pour pas faire taratata. Faudra que je pense aussi à pas faire l'Olympia. Je suis pas connu, mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue, je sors pour vérifier. Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je suis pas connu, mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue, je sors pour vérifier. Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Je suis pas connu, mais ça peut arriver. Tous les jours dans la rue, je sors pour vérifier. Je suis pas connu, alors ce serait sympa que t'en parles autour de toi. Tiré du film Un mauvais garçon, réalisé par Jean Boyer et Raoul Ploquin en 1936, ensoleillé par Daniel Darieux sur une musique de Georges Vamparis, une chanson qui est reprise par Georgette Plana, c'est Un mauvais garçon, Georgette Plana. Vous les paumez, vous n'êtes pas aimés. D'un bon bourgeois qui nage dans la joie, il faut avoir pour être à leur goût un beau faux col et un chapeau mou. Ça ne fait pas chic une casquette, ça donne le genre malhonnête. Et c'est pourquoi quand un bourgeois vous voit, il dit en vous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing, de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Les belles madames pleines de perles et de diames, en vous croisant des airs méprisants. Oui, mais demain, peut-être ce soir, dans vos dancings, elles viendront vous voir. Elles danseront comme des filles en s'enroulant dans vos quilles. Et vous lirez dans leurs yeux chavirés l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est un mauvais garçon, il a des

quand on est lisse ou douce, quand les vers s'entrechoquent, on ne voit plus les problèmes. C'était qui plaît quand on fait la java le samedi à Broadway. Ça swing comme un doudou. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais. Quand on a du bonbon, on va t'envoyer. C'est peut-être pas la vraie de vrai. Voilà, ça va de Broadway. Oui, mais c'était qui plaît quand on fait la java. Avant qu'il ne se décide à quitter ce monde en 1998, Nino Ferrer, désabusé, déclarait « J'ai écrit, composé et produit près de 200 chansons et les gens n'en connaissent que trois. Le Sud, Mirza et le téléphone qui sonne. C'est comme un peintre prolifique dont on ne connaîtra que trois tableaux car tous les autres sont restés dans des coffres. » C'est un sujet que nous évoquions ici en parlant de Charles-Élie Couture, qui a plus de 300 chansons à son actif, 28 albums, et les médias qui n'en diffusent qu'une, ils s'acharnent à ne diffuser que l'avion sans aile. Elle a fait autre chose, hein, Charles-Élie. Une chanson de Nino Ferrer de 1969, extrait de l'album Agatha, dont l'action virtuelle se situe dans la baie de Rio, est reprise par de nombreux artistes, dont Pauline Croze, Benjamin Biolay, Nolwenn Leroy et d'autres, et elle est maintenant retravaillée par Bon Entendeur. 50 ans plus tard, La Rua Madureira deviendra-t-elle le tube de 2019 ? La Rua Madureira, Bon Entendeur et Nino Ferrer. Jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps. Et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire. La rue que tu habitais, je n'oublierai pas. Chalam. Ah, c'est une chanson de Renaud, parue en 1980 dans l'album Marche à l'ombre, un album dédié au gangster Jacques Mesrine. Dans cette chanson, il assoit définitivement sa réputation de chanteur engagé et il s'agit d'un portrait insolent des classes moyennes. C'est l'occasion de dénoncer tous les travers de ses contemporains, comme le racisme, la violence conjugale, les problèmes de drogue et de l'intolérance. Renaud, mon HLM. Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM et la môme du huitième. Le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cap dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le tia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. De toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants. C'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la montre du huitième, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, les anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est instit, y'en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils paient jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la montre du huitième, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club. Comme toutes les décolorées, elle a sa mini couper, elle allume tout le quartier quand elle sort son coquère. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express. Et vous dire si elle lit. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM et la montre du huitième, le HLM. Au quatrième, dans mon HLM, y'a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. C'est pour dire si j'ai raison. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM, la montre du huitième, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loubard et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au huitième. construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant. C'est vous dire si on rêve. Putain, style et blême, mon HLM, et la monde du huitième, le HLM. Putain, style et blême, mon HLM, et la monde du huitième, le HLM. Et maintenant, une chanson ressortie en 1973 et qui s'inspire de la vie sentimentale du parolier fétiche de Joe Dassin. Je veux parler de Claude Lemel. Joe Dassin avait décidé de reprendre une chanson de country américain, City of New Orleans. Alors, je ne vais pas vous le traduire. Il fit appel à Claude Lemel pour en écrire les paroles. Et à cette époque, il se trouve que Claude Lemel était sur le point de se séparer de son épouse et le divorce avait même été prononcé. Et un jour, ils étaient divorcés donc, et un jour qu'ils marchaient ensemble dans la rue, une commerçante qui n'était pas au courant de leur situation, en les croisant, s'est exclamée « Ah, salut les amoureux !» Amusé par le paradoxe de la scène avec la bonne gaffe, Claude Lemel trouva le départ de la chanson. Et la chanson terminée est satisfait du résultat. Toute l'équipe à Jojo, Joe Dassin, se retrouvait dans un bar de Saint-Germain-des-Prés et c'est alors qu'un jeune homme, un énergumène, complètement bourré, tint des propos injurieux et violents à l'égard de Joe Dassin. Il reprochait au chanteur de n'interpréter que des chansons niaiseuses et de ne pas être à la hauteur de son père, le cinéaste Jules Dassin. Alors plus tard, on découvrira que l'énergumène en question se révélera un acteur remarquable au cinéma. Il s'agissait et il s'agit de Richard Boringer. Salut les amoureux, chanté cette fois par les Frangines. J'aime bien l'harmonica. C'est drôle, hier on s'ennuyait et c'est

être le gagnant du plus grand télécrochet de France et de ne pas avoir la promotion que l'on mérite, voilà ce qui est malheureusement arrivé à Lilian Renaud, vainqueur de la saison 4 de The Voice, et qui est vraiment un gâchis. Quand on connaît le talent et la sensibilité artistique de l'ex-fromager. Alors que ses ennuis de santé semblent derrière lui, Lilian Renaud, qui remonte sur scène prochainement, débarque aujourd'hui avec le premier single d'un futur album, une ballade qui vous touche en plein cœur et montre véritablement le talent de Lilian Renaud. On en verra encore Lilian Renaud. On peut croire qu'il ne reste rien sur la terre des hommes, que des combats sans fin sur une terre de poussière, sur la terre misère, sous le ciel de tes frères. Mais toujours restera l'amour dans les mains des enfants, par les cœurs qu'on bricole en papier de couleur. Et puis toujours, on en verra encore des pluies de je t'aime, des cœurs qui s'en mêlent dans les bras qu'on serre fort, et des sourires en coin sur les bancs des écoles où les amours éclosent. On peut croire que les étoiles s'éteignent sur la terre des hommes, que la vie qui se meurt sur une terre de poussière, sur la terre sans prière, sous un ciel perdu de lumière. Mais toujours restera l'amour sur la peau des enfants, par les cœurs qu'on dessine d'un crayon de couleur. On en verra encore des tas de je t'aime, des lèvres qui s'en mêlent, nous rêvera encore pour des dents sur la lune, des bougies qu'on allume pour des nuits d'amour. Nous allons laisser le soin à Mort Schumann de conclure cette émission par une chanson tirée du film L'Hôtel de la Plage, un film de Michel Lang tourné en 1978, un film où les hommes planifient les infidélités, leurs épouses aussi bien sûr, amour adolescente et jeu d'enfant, un été de porcelaine Mort Schumann. Déjà, ma certaine, mais mon cœur, lui, n'oublie pas. J'en ai connu après toi, sans que jamais ne revienne le goût que tu le donnes. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 26 consacrée à la chanson française. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de jouer au tiercé des chansons en vous rendant sur la page Facebook de l'émission. Et puis vous pouvez retrouver le podcast. Le podcast. Allez, je vous le refais. Vous pouvez retrouver le podcast en allant sur le site de Radio Fagette. Et puis, bon, vous cliquez sur l'émission, la cerise sur le canto. Et le podcast est là et il vous attend et il est valide toute la semaine. À part cela, la prochaine cerise sur le canto, ça sera dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et fagette.net en ligne pour les autres Européens. Allez, au revoir.